Activité 42. Regarde, c'est une photo de ma famille. Il y a mon mari, Alexandre. C'est l'homme avec un jean et un pull rouge. L'homme aux lunettes et au t-shirt bleu, c'est Alexis, mon frère. Et le jeune homme au t-shirt jaune, c'est mon fils, Julien. La femme avec le sac à main, c'est Isabelle, la femme d'Alexis. La femme avec la jupe rose et le chapeau, c'est ma sœur, Lucie. Et il y a Marie, ma fille. Sur la photo, elle a une jupe blanche, une veste rose et un chapeau à la main. Moi, je suis la femme avec les lunettes.